Ce vendredi, à La Vie en BD, une histoire de cancer qui finit bien, une réflexion sur la mort et la création, des commentaires BD et plus. Vendredi à tous et à toutes, bienvenue à cette édition de La Vie en BD, une édition presque thématique puisque les deux albums qu'on va explorer de manière un peu plus détaillée, eh ben, ont un pont, un lien entre eux. Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30 comme à l'habitude, et pour explorer le 9e art certes, mais également on va aller lorgner du côté du livre illustré, puisque en première moitié d'émission on jasera avec India Desjardins autour de sa très belle collaboration avec Marianne Ferrer sur une histoire de cancer qui finit bien. Donc une commande, si on peut dire, une demande plutôt, qu'elle avait reçue d'une lectrice qui, à un moment donné, lui avait dit ben, « Pouvez-vous faire une histoire, nous écrire une histoire de cancer, mais qui finit bien, une jeune fille qui était atteinte du cancer à l'époque. » Et ça a donné un résultat vraiment en fait super, percutant au niveau du texte, au niveau du visuel aussi. Donc vraiment un beau bouquin dont j'ai envie justement qu'on parle, et ça sera fait tout à l'heure. Et en fait, Marianne Ferrer qui, du point de vue de l'illustration, continue de m'impressionner en fait d'album en album. J'avais beaucoup apprécié le livre qu'elle a offert chez Monsieur Ed en début de saison, Le Jardin Invisible, qui était vraiment aussi absolument superbe. Je pense qu'il y a eu d'ailleurs quelques nominations depuis, et vraiment en fait continuer un très beau travail sur le plan du dessin avec celui-là. Alors bref, donc on va voir du côté de l'illustration et cette semaine, mais également du côté de la bande dessinée, un autre livre qui réfléchit sur la mort, sur la création, sur le plaisir de créer, sur le plaisir de s'accomplir, sur la quête qu'on fait parfois pour essayer de trouver notre place, ou pour essayer de trouver cette volonté, ce courage peut-être aussi, de se lancer comme créateur-créatrice. Alors c'est un peu certains des thèmes, certaines des réflexions qu'on retrouve dans le set de Tom. Une belle BD muette du côté des éditions Pawpaw. Première bande dessinée d'ailleurs pour Tom, projet de passion pour lui. J'ai lu à quelque part que ça faisait à peu près 7 ans qu'il travaillait sur ce récit-là, et vraiment, ben, en fait, ça paraît, c'est un beau premier album, et où, d'un point de vue, en fait, bon, avec le récit muet, ça reste des architectures quand même complexes à réaliser. Je trouve qu'il le fait bien. Alors, je suis bien content de pouvoir en jaser avec lui tout à l'heure. Alors, vous comprendrez deux albums que j'ai bien aimés dont on traite cette semaine. En fin d'émission, il y aura Édouard Tremblay également qui viendra nous partager quelques commentaires BD. Alors, tout ça et plus cette semaine ici à La Vie en BD. Et comme d'habitude, on commence avec quelques actualités du côté de la planète BD. Alors, ben, une triste nouvelle pour commencer. Patrick Jussaume est décédé 25 octobre dernier, issu d'une longue maladie. C'est ce qu'a annoncé Dargo, qui est du même souffle, en a profité pour saluer un grand dessinateur, adepte d'une ligne claire, réaliste, élégante, maîtrisant parfaitement le découpage et la mise en couleur. Alors, en fait, pour son parcours, d'abord, en fait, professeur de dessin, il va vraiment démarrer en 1985 en bande dessinée, dans les pages du magazine Vécu, du côté de Glénat. Il va signé les chroniques de la maison Le Kéan, une série historique. 6 albums ensuite du côté de Glénat. En 93, il se lance dans la fameuse saga Maritime Tramp, qui a été publiée chez Dargo. 11e volume d'ailleurs, publié en septembre 2017. Et donc, en fait, pour cet album, Patrick Jussaume m'avait réalisé le dessin des couleurs des 30 premières pages avant de passer la main à quelqu'un d'autre. Alors voilà, en fait, une très très belle série d'ailleurs, en fait. Alors ben, donc, triste départ du côté du monde de la bande dessinée. Quelques récompenses également qui ont été remises. Alors, notamment, le 20e Festival des Rendez-vous de l'Histoire, qui s'est tenu du côté de Blois, a décerné son prix Château de Cheverny de la bande dessinée historique à l'auteur d'un album qui s'est distingué par la qualité du scénario, la valeur du dessin, ainsi que le sérieux de la reconstitution historique. En l'occurrence, donc, c'est l'album Pereira Prétend de Pierre-Henri Gaumont du côté des éditions Sarbacane qui a obtenu cette récompense. Pour ceux qui n'ont pas lu, très bel album d'ailleurs. Donc, c'est un une plongée dans le cœur de la dictature salazariste au Portugal dans les années 1938. On suit le parcours d'un journaliste culturel vieillissant, veuf, obèse, tourmenté, qui engage un jeune pigiste qui, au lieu d'écrire les sages nécrologies que le journaliste lui a commandés, lui remet des éloges aussi sulfureuses qu'impubliables. Autre récompense également du côté du Polar, le 22e Festival Polar qui se tenait début fin octobre en fait à Cognac en Charente a décerné également ses récompenses. Alors eux ont choisi Nobody, le tome 1 de Christian de Metter chez Soleil comme Polar 2017 de la meilleure série, et pour le meilleur one shot, eh bien il a été remis au Coup de Prague de Iman et Fromental du côté de Air Libre. Et petite suite aussi du côté du Lombard, en fait ça s'est passé au début du mois, en fait un peu de mouvement de ce côté-là. On verra quel impact ça pourra avoir évidemment sur l'évolution, sur la production. Alors nommé président du conseil d'administration de Dargo Lombard, donc François Pernaud a quitté ses fonctions de directeur général, c'est ce qu'a annoncé donc la maison d'édition. Alors pour le remplacer à la direction générale, ben Lombard a nommé Christelle Hulans. Elle vient d'un parcours en fait en histoire contemporaine, diplôme en édition également. Elle est entrée chez Dargo en 96, l'année de la création de Cana en fait, et elle a été recrutée en 2000 à l'éditorial. Elle a travaillé sur les collections manga et bande dessinée, donc Cana et Dargo, avant d'être nommée directrice éditoriale adjointe de ces deux labels. Et en 2009, eh bien, elle est nommée à 38 ans directrice éditoriale de Cana, tout en conservant son poste de directrice éditoriale adjointe de Dargo. Elle va prendre les rênes d'ailleurs de Cana en 2013. Alors, ben, on verra donc quelle influence elle aura sur l'évolution des collections et du parcours du Lombard. Alors, voilà pour ces petits clins d'œil à l'actualité. En musique, cette semaine, on écoute une pièce, un album, en fait, qui s'appelle Milk and Cookies. C'est de la formation Potamus et on écoute un premier extrait. Ensuite, toujours ici à La Vie en BD. Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez nous suivre sur Facebook, facebook.com/ La Vie en BD. On y partage quelques actualités, quelques événements BD, que ce soit à Québec, Montréal ou ailleurs en province. Et ben, la plupart de nos émissions sont disponibles en balado-diffusion sur lavieenbd.wordpress.com. Alors, peut-être quelques petits commentaires BD, puisque le temps nous le permet. Alors, ben, notamment, fait mention au passage un album qui était bien attendu, je pense. C'est un bel objet historique peut-être également sur lequel mettre la main. Il s'agit du Petit Nicolas, donc la bande dessinée originale. Alors ça, c'est intéressant en fait. On sait, le Petit Nicolas est né le 25 septembre 1955 avec Sampé au dessin et un dénommé Agostini au scénario. Évidemment, Agostini étant l'un des nombreux pseudonymes à l'époque de René Goscinny. Goscinny qui multipliait les collaborations et j'imagine en fait qu'il ne souhaitait pas nécessairement avoir l'air omniprésent. Alors, il utilisait donc différents noms. Et donc ça, c'était au départ en 1955 dans les pages du magazine Le Moustique. Donc on avait assisté à la naissance dans le fond du petit Nicolas et par la suite en fait cette bande dessinée là s'était retrouvée un peu plus tard. Bon, la formule avait été mise sur pause et c'était revenu dans Sud-Ouest Dimanche dans les années 1959. En 1959, donc c'est la première histoire plus classique, donc celle qu'on connaît avec quelques illustrations de Sampé, le texte de Goscinny, donc la formule du Petit Nicolas qui traversait un peu les époques en matière d'édition. Et d'une certaine manière, en fait, les planches qui avaient été publiées avant cette première histoire avaient été, on pourrait dire, un peu perdues, égarées, et le reste. Et donc c'est du côté d'Imav Édition, bon, on a donc retrouvé ces planches et on invite le lecteur à se replonger dans l'esprit, dans l'ambiance et dans la dynamique des premières histoires du Petit Nicolas. On retrouve évidemment donc aussi Goscinny à ses presque débuts, d'une certaine manière Sampé à ses presque débuts, et en même temps c'est un peu particulier aussi de voir un environnement, un univers qu'on a connu pas nécessairement justement dans le contexte de la bande dessinée, mais au contraire, plutôt dans le contexte du récit. Alors, c'est un peu surprenant peut-être au départ, donc de retrouver cet univers-là, de voir les prémices de cet univers-là et de quelle manière justement ils vont s'exprimer sur les pages. Alors, un récit de Goscinny qui est assez balbutiement, donc c'est vraiment un coup de départ, des gags qui sont peut-être un peu élémentaires aussi, donc on sent qu'on expérimente, si on peut dire. Alors, sur ce plan, c'est assez fascinant quand même de retomber sur un exercice comme celui-là, surtout quand on sait qu'est-ce que cette série est devenue et le côté emblématique qu'elle a obtenu au fil du temps. On voit également justement de quelle manière Sampé s'empare du personnage, donc commence à créer l'ambiance, l'esprit de l'album, le look de ce qui va ensuite devenir un peu ses illustrations. Alors donc, pour le côté historique de la chose, ça devient assez intéressant. Il y a d'ailleurs quelques-uns des premiers récits qui sont disponibles en fin de parcours, donc qui nous permettent de voir aussi d'autres ambiances avec des équivalents peut-être un peu en termes de lieu, en termes d'endroit, entre justement le gag sur un gag sur le vélo, par exemple, mais qu'on retrouve en format BD. Et ensuite, on voit une itération qui est plutôt en format récit. Même chose avec un récit de plage. Donc, on voit un peu justement la construction de cet univers-là. Est-ce que c'est drôle? Est-ce que c'est hilarant? Non. Mais, comme je disais, c'est un objet, une curiosité, si on peut dire. Si vous êtes fan du petit Nicolas, vous aurez peut-être envie de compléter avec ces planches-là, avec ces éléments-là, pour voir un peu justement la genèse de tout ça. Et sinon, ça vaut quand même le coup, je pense, d'y jeter un coup d'œil justement pour voir un peu les débuts de grands maîtres comme ça de la bande dessinée. Alors, en fait, recommandation au passage, je pense, pour ces raisons-là. Donc, le petit Nicolas, le tome 1, donc la bande dessinée originale, c'est de Goscinny et Sampé, et c'est distribué du côté de IMAV. Et autre petit commentaire également au passage. Alors, c'est Siberia, le premier tome, en fait, qui a été publié il y a quelques semaines, je crois, quelques mois peut-être. Donc, c'est une série un peu particulière dans la mesure où, je ne suis pas familier avec le jeu vidéo duquel cette bande dessinée est inspirée, parce que c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. On voit donc des bandes dessinées passer tranquillement vers la sphère du jeu vidéo ou du cinéma, mais on voit aussi des jeux vidéo se voir jouxter, si on peut dire, un pendant lié à la sphère de la bande dessinée. Et c'est le cas de Siberia, donc avec le lancement, je pense, d'une nouvelle édition du jeu il y a quelques temps, ils ont aussi lancé la série BD qui, nous dit-on, nous permet d'explorer un peu et d'aller, disons, creuser un peu plus avant la mythologie autour de ce jeu-là. Alors ça, c'est le contexte. Évidemment, personnellement, je me doute bien que c'est inspiré d'un jeu quand on se lance, mais je ne connais pas ce jeu-là et je me suis pas documenté sur le jeu. Alors, on découvre la BD au premier abord. Bon, peut-être un tic, en fait, que je trouve généralement agressant quand je regarde, c'est quand on nous rend la bande dessinée peut-être un peu trop statique, un peu trop photographique, donc où on manque de souplesse au niveau du dessin et où on a l'impression essentiellement qu'on a pris des photos, qu'on a recoloriées. Ça arrive de temps à autre, c'est un style quand même très réaliste, mais c'est agaçant. Alors, évidemment, il faut que je me force pour passer un peu par-dessus cet agacement-là dans les premières pages pour poursuivre la lecture. Et finalement, on découvre une histoire donc d'un petit garçon qui est un génie de la construction, si on peut dire, mais qui est très renfermé sur lui-même, qui parle très peu, avec une relation très proche avec sa sœur, mais très lointaine avec son père, orphelin de mère, etc., etc. Et on voit un peu les éléments qui l'ont amené à quitter la maison et à tranquillement devenir un mythe, si on peut dire, puisque en filigrane de ces événements-là, on voit la sœur plus vieille qui est à la recherche de son frère désormais disparu, qui aurait construit des trucs assez intenses pour des ennemis du régime, en fait, donc qui travaillait entre autres pour le régime nazi. Bon, bref, c'est un peu le contexte de l'histoire. Il y a un côté mystérieux qui fonctionne, ça suit bien, c'est quand même agréable, mais on a toujours le sentiment, pour qui ne connaît pas le jeu vidéo, d'être exclu de quelque chose, et cet agacement qui est constant par rapport au dessin. Et finalement, quand on arrive à la fin, on découvre qu'il y a vraiment effectivement une grosse mythologie autour de tout ça qui n'est pas vraiment inclus dans l'album et on se dit finalement j'aurais peut-être dû jouer au jeu plutôt que de lire la bande dessinée. Alors donc je vous dirais, si vous êtes fan de la série jeux vidéo, probablement vous allez trouver votre compte dans cet album là pour les autres, c'est pas une mauvaise BD. Bon, au niveau du dessin, je reviendrai pas parce que j'en parle depuis tantôt, mais donc on se sent un peu exclu, et donc ce qui fait que ça disons, rend la lecture un peu moins agréable. Donc, on parcourt le livre de manière sympathique, mais quand on arrive à la fin, qu'on comprend la richesse, entre guillemets, de cet univers-là, à laquelle on n'a pas eu accès dans l'album, qu'il y a énormément de références qui sont probablement plus dense pour d'autres lecteurs que pour nous, eh ben ça accentue, si on peut dire, ce sentiment d'exclusion-là, et on se dit finalement ben, que c'est une série qui est destinée vraiment pour les fans du jeu d'abord et avant tout. Alors voilà pour ces petits clins d'œil sur ces albums. Donc ce deuxième, c'est Siberia, donc le tome 1 qui s'appelle Hans, et c'est de Johan Blais et Hugo Sokal, et ça c'est édité du côté du Lombard. Alors en musique, cette semaine on reste, donc je le rappelle, toujours avec Potamus. On écoute un autre extrait. Toujours ici à l'AV en BD, vous aurez compris qu'on n'arrive pas malheureusement à mettre la main sur notre invité de première moitié d'émission. Alors, ben, malheureusement, India Desjardins ne se joindra pas à nous pour jaser de ce livre, donc une histoire de cancer qui finit bien. Mais cela dit, ça n'empêche pas le fait que j'ai bien apprécié l'ouvrage, peut-être pour les enfants un peu plus vieux. Alors, un ouvrage qui, si j'en fais un bref commentaire et raconter un peu à la première personne, alors, m'offre une certaine immersion, si on peut dire, à l'intérieur de l'esprit, de la psyché de la jeune fille qui est donc en situation de maladie, qui est dans l'attente d'un diagnostic également, à savoir si le cancer est parti ou non. On voit un peu sa vie, son quotidien, son passage à l'hôpital, la relation qu'elle entretient avec ses parents, avec sa sœur, donc tout ça raconté au jeu. Et donc il y a un côté vraiment, donc une immersion presque qui est proposée un peu justement à travers ce discours, dans une écriture en fait qui est dans un style assez concret, assez simple. Alors on décrit, on présente les choses clairement avec une belle économie d'artifice et une belle efficacité donc à l'intérieur du texte. Ça fonctionne, il faut dire que ben pour India Desjardins, je crois que c'est quand même assez constant à l'intérieur de son style de récit. Et au niveau du dessin, ben c'est peut-être là justement où on a porte la dimension métaphorique, où on joue un peu dans un dialogue avec un texte qui est plus concret, pratique, et on y va avec des éléments donc qui nous amène un peu plus dans le cadre émotif, qui accentue peut-être des éléments d'ambiance. Donc Marianne Ferrer dans son dessin joue sur le gris, sur le vert pâle, sur le bourgogne. Elle amène le récit donc dans une dimension métaphorique, comme je le disais, elle va chercher des couleurs froides et chaudes, saturées, peut-être un peu en écho avec les émotions contrastées qui sont vécues par la jeune fille à travers tout ça. On complémente aussi par les postures, par les expressions, donc on enrichit, si on peut dire, la dimension psychologique, mais à travers justement la couleur, à travers le type de trait. Donc ça fait quelque chose qui est très très réussi de ce côté. Et évidemment, ben, au niveau du texte et du dessin, ben, ça nous amène aussi dans une belle forêt, dans la psyché d'une adolescente qui vit une situation quand même assez dramatique, assez intense, et dans ses relations avec ses proches. Donc il y a aussi une compréhension, si on peut dire, de l'adolescence qui ressort de ce texte-là, que j'ai trouvé vraiment intéressant. Alors, et c'est, je pense, en fait, la deuxième collaboration de Madame Desjardins du côté de La Pastèque après le Noël de Marguerite, dont on avait parlé il y a de ça quelques années. Alors, il y a effectivement une belle adéquation, je pense, qui s'est installée entre le dessin et le récit. Contrairement au Noël de Marguerite, qui était une histoire pensée d'abord, je crois, pour justement être dessinée par la suite, dans ce cas-ci, c'était plutôt une histoire qui était pensée d'abord pour être écrite, et la dimension dessinée est arrivée un peu plus par après. Alors bref, ça fonctionne, ça marche, c'est intéressant. Donc, dans le registre livre illustré pour peut-être les 10 ans et plus, là, puisque ou ceux qui ont peut-être besoin de ce type de récit-là. Évidemment, vous aurez compris dans le titre, ça finit bien. Alors, on essaie de raccrocher une dimension d'espoir aussi à travers tout ça. Alors, une belle lecture de ce côté. Donc, une histoire de cancer qui finit bien, de Marianne Ferrer et India Desjardins. C'est du côté des éditions La Pastèque. Autre titre dont je vous parle, tiens, on va descendre un peu notre pile. J'ai peu d'occasion de le faire. Alors, deux récits que j'ai trouvé assez divertissants, somme toute, peut-être pour un public jeunesse. Un truc assez léger, une BD, une collection, ma première BD du côté de Pep Bocal. Donc, on destine aux 6 ans et plus, donc 5-6 ans et plus, je pense, il y a de quoi faire, évidemment. Faut accompagner la lecture. Donc, c'est Lily Mégamouche, le tome 1, le monde sans, dessus-dessous. Alors essentiellement, on nous raconte l'histoire un peu post-apocalyptique d'un monde, de notre monde, qui éventuellement est envahi par des insectes géants qui sont causés par un quelconque cataclysme. Et on se retrouve donc dans une famille où il y a une dynamique d'opposition entre la jeune fille et son grand-père et ses parents. Le grand-père qui est un scientifique de génie, la jeune fille qui est éveillée justement à l'idée de cette science-là, et qui seront un peu les seuls, si on peut dire, capables de réagir face à cette invasion qui sera niée jusqu'à l'extrême par les parents de la jeune fille. Et éventuellement, il y a des histoires de kidnapping, de chasse, de poursuite, donc c'est vraiment le départ d'une longue série, du moins en apparence. Et tout ça dessiné avec des couleurs vives, pas nécessairement énormément de détails dans le dessin, mais c'est quand même sympathique. En fait, ça fonctionne bien. On y va avec des couleurs donc assez saturées, dessins croquis très expressifs quand même, un peu caricatural aussi, et où essentiellement la petite fille en viendra à se transformer en mouche justement pour pouvoir s'infiltrer et s'opposer à ces insectes. Alors en fait, une série jeunesse, comme je disais, sympathique, lecture rapide pour l'adulte, peut-être un peu plus longue pour le plus jeune. Alors donc c'est de Pep Bocal et Agnès Philippard, et en fait ça, donc c'est quelque chose que je pourrais vous recommander sans nécessairement dire que ça reste un incontournable, mais je me suis pas ennuyé à le parcourir. Dans le même registre, avec en fait je dirais mi-déception, mi-satisfaction, mais en fait je sais pas pourquoi, mais je suis tombé sur beaucoup de BD jeunesse ces temps-ci, et ça se lisait bien et rapidement et joyeusement. Alors l'extra bourrifante aventure des Super Delta, le tome 1, l'appel, c'est d'Edouard Court chez Aquileos. J'avoue en fait être un peu perplexe, si on peut dire, par rapport à ce premier tome-là, dans la mesure où on nous établit donc un univers qui essentiellement est chargé de mythologie, si on peut dire. Donc on a quatre personnes qui sont happées et amenées dans un autre monde dans lequel en fait ils ont été choisis un peu par hasard pour devenir des super-héros avec des super-pouvoirs et affronter une espèce d'armée d'outre-monde qui cherche à envahir la Terre. Évidemment, puisqu'on les a choisis un peu au hasard, ce ne sont pas des gens qui, à première vue, seraient destinés à être des héros, donc des enfants, une vieille dame, un petit oiseau, et devront donc assumer, peut-être un peu malgré eux, ce statut, et dans un contexte assez intensif, si on peut dire, s'approprier aussi leur pouvoir de super-héros qu'ils découvriront, si on peut dire, en pleine situation de combat. Alors c'est un peu ce qu'on nous présente à l'intérieur de ce récit, donc c'est vraiment établir l'ambiance, établir l'univers de tout ça, avec un côté qui, j'imagine, en termes de visuel, de graphique, parle quand même assez bien. C'est du noir et blanc pour l'essentiel, avec simplement donc les couleurs des costumes de super-héros qui viennent se distinguer, donc la couleur qui arrive à peu près à la moitié du livre, jaune, rouge, bleu, vert, donc les couleurs primaires un peu classiques, si on peut dire, dans ce cadre de récit-là. Donc visuellement, ça donne quelque chose quand même assez sympathique. Par contre, le problème, c'est peut-être la part de mystère qu'on essaie de mettre là-dedans. Donc on nous garde dans un flou qu'on entretient pas nécessairement de façon utile, si on peut dire, d'un point de vue narratif. On aurait pu peut-être en dévoiler un peu plus. Ça peut donner l'impression que à un moment donné, on fait du remplissage. Donc il y a une très très longue séquence de combat dans laquelle on s'approprie les pouvoirs, mais qui finalement n'apporte pas tant au récit, à part d'établir longuement les quatre protagonistes. Donc ce qui fait que ça manque peut-être un peu de substance, et en même temps, c'est pour ça que j'étais un peu perplexe face à ce récit, mais ça reste quand même quelque chose qu'on a déjà vu. Donc c'est pas mal fait, mais c'est pas du nouveau non plus. Ça manque peut-être un peu de ce côté d'originalité, de nouveauté. On dirait, ça devient incontournable, si on peut dire. Donc ce n'est pas un récit incontournable, mais ce n'est pas un mauvais récit non plus. Mais il y a quelques éléments qui manquent justement pour passer d'une lecture sympathique et correcte à une lecture vraiment agréable que je n'oserais pas, sans trop de crainte, vous recommander. Donc c'est un peu la situation, en fait, vous l'aurez compris, pour la plupart des titres dont on vous parle cette semaine. Alors c'était des titres que j'ai appréciés, mais pas tant que ça finalement. Alors pour ce clin d'œil, ces clins d'œil en fait, ça c'était l'extra-bourrifante aventure des Super Delta, le tome 1. Alors on repart en musique, toujours avec cet album Milk and Cookies. On écoute un autre extrait. La musique à saveur 8 bits qui nous entraîne d'une phase à l'autre de cette émission. Raymond Poirier toujours avec vous ici à La Vie en BD jusqu'à 18h30 aujourd'hui. Et des belles lectures qui sont arrivées sur les étals des libraires au fil des dernières semaines. Les éditions Pawpaw qui ont lancé d'ailleurs successivement quelques albums. Un de ceux-ci s'appelle 7, c'est de Tom et c'est un premier album d'un nouvel auteur qu'on découvre avec celui-ci. Et il est avec nous au bout du fil. Tom, bonjour. Salut. Alors, Tom, si on avait présenté peut-être 7, les thèmes qui semblent revenir beaucoup, c'est un récit sur à la fois sur la création, à la fois sur la mort. Oui, c'est vraiment ça, ces thèmes-là que j'ai décidé d'explorer avec ce livre-là, bien que c'était pas vraiment ça le but au départ. C'était vraiment parti de manière improvisée, je dois dire. Les thèmes se sont incrustés au fur et à mesure que l'histoire avançait. Oui, parce que de ce que j'en ai compris, c'est un récit que vous gardez avec vous depuis un certain temps. Ça fait à peu près 7 ans que vous travaillez là-dessus. Ça a été un des albums sur lesquels vous aviez travaillé pendant votre baccalauréat en bande dessinée du côté de l'Université du Québec en Outaouais également. Oui, exactement. Ça fait un bon moment que je travaille. Ben, c'est principalement sur l'univers, en fait, que je travaille, sur les personnages qui l'entourent. Ça date depuis la fin de mon secondaire environ, ce développement-là. Mais où est-ce que j'ai vraiment... En fait, non, c'est vrai maintenant que j'y pense. Cette histoire-là a débuté durant mon cégep et j'ai pas retouché depuis mon bac, dans le fond. Là. J'ai repris cette histoire-là pour mon projet de fin de bac dans mes études de bande dessinée. Et j'ai décidé de développer encore plus ça durant les deux dernières années. Ouais, c'est pas mal ça. Là. Donc, dans le fond, les premières années, on construit l'univers, on explore un peu sur les personnages, sur des cours d'histoire, etc. Et éventuellement, il y a cette grosse histoire-là qui avait à émerger, dans le fond, de cette exploration-là. Oui, finalement, oui. En fait, j'avais tellement zéro idée que ça allait prendre cette ampleur-là, dans le fond. Là, mais je suis vraiment content de... Et j'imagine, en fait, qu'est-ce qui vous a justement amené un peu vers ce récit-là? En fait, de ce que j'en comprends, vous avez été peut-être un peu vous-même surpris par le chemin qu'instinctivement vous preniez comme créateur? Oui, c'est vrai que ça m'a... ce récit-là a été conçu par un genre j'allais dire une écœurite, mais c'est pas vraiment ça. j'étais tellement dans une... J'étais pas dans une super bonne place dans mes études et tout. Je savais pas exactement où est-ce que je m'en allais. Et donc, j'avais décidé à un moment donné de la chenoute, je fais juste de la bande dessinée. Là. Et j'avais juste une seule scène en tête. Et donc, je suis parti avec cette scène-là. Puis, je veux dire, au fur et à mesure que ça avançait, je me suis rendu compte que, oh mon Dieu, okay, j'ai vraiment du fun à faire ça. Et c'est vraiment de là que ça a parti. C'est parti un peu d'un sentiment très très personnel. C'est pour ça que cette histoire-là est très personnelle, là, très proche de moi. Là. Et c'était quelle scène au départ, par curiosité? C'est vraiment la toute première, en fait. C'est vraiment parti avec la toute première scène, puis après ça, c'est allé au fur et à mesure. Je trouvais que la première scène, dans le fond, on voit le personnage de la faucheuse, la mort, dans le fond, qui est en train de lire un livre, puis elle vient juste de le finir, elle est un peu découragée, justement, de l'avoir fini, elle sait pas quoi faire. Puis juste cette scène-là, de voir la mort dans son appartement, boxers, je trouvais ça drôle, fait que moi, ça me tentait de la faire, fait que de là est parti tout le reste du récit. Et le reste du récit nous amène un peu sur des thématiques, vous l'avez dit, de réflexion, de création. En fait, un peu cette idée que j'avais l'impression un peu quand on se lance en écriture, en création, on se demande pourquoi on veut y aller, c'est quoi notre rôle comme auteur, c'est quoi notre rôle comme artiste, pourquoi on veut écrire, qu'est-ce qu'on veut écrire. Et là, on va de l'angoisse de la page blanche jusqu'au questionnement existentiel. Ah oui, c'est vraiment rien que de ça, en fait. Ben, je veux dire, le personnage principal, qui est un lapin auteur et existentialiste au coton, ben, je veux dire, c'est pas mal mon alter ego, là, si on veut, là. Je me suis vraiment fait du fun à un peu me moquer de lui, en fait, parce que moi, je dirais qu'il est comme le récipient de tous mes défauts, là. Et donc, j'ai vraiment eu du fun à explorer ça, justement. Gros questionnement sur la création et tout. Tu sais, je veux dire, c'est par là que je passais. À ce moment-là, tu sais, je me demandais, OK, ben pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça, ta. Et donc, ouais, ce personnage-là m'a permis de vraiment d'explorer ça. Oui, puis trouver des réponses dans l'action, peut-être, à la limite. Ouais, ben c'était carrément ça. J'avais un peu de misère à savoir, tu sais, moi-même. Je me posais énormément de questions, puis je peux pas dire j'ai trouvé les réponses, mais ça m'a permis de... Cette bande dessinée-là m'a donné définitivement un exutoire. Oui, et de trouver d'autres questions, mais plus pointues peut-être. Oui, c'est ça, exactement. Et fait important à mentionner, Tom, la BD 7, c'est aussi une bande dessinée muette. J'ai l'impression, j'imagine, qu'on a beaucoup plus de force dans les thématiques qu'on explore, dans les éléments, que ça permet d'éviter peut-être de s'empêtrer avec les mots pour mieux explorer les concepts à travers la force visuelle. Oui, ben, excusez-moi. En effet, c'était moi, c'est toujours été quelque chose qui m'a hanté le dialogue, en fait, parce que j'ai toujours trouvé que j'en disais trop. J'ai toujours trouvé que tu sais, on pourrait juste mettre le dessin, puis t'sais, pas besoin de mettre de dialogue, en tout cas dans mon cas. Parce qu'en en fait, Seth était pas supposé être muet au tout début. J'avais cette première scène-là, comme je vous disais, avec la mort dans son appartement, qui était complètement sans dialogue, mais après ça, moi, je me suis dit, bon, ben, après, je vais introduire le dialogue, puis le dialogue est jamais vraiment arrivé parce que j'avais rien à dire. Ben, je disais, verbalement, j'avais rien à dire. Tout ce que j'avais à dire, je le disais déjà par les expressions faciales des personnages, par leur pantomime. Puis des fois, juste l'atmosphère d'une scène, ça en disait assez, en tout cas pour moi. Mm-hmm. Et j'ai jamais vraiment ressenti le besoin de rajouter des dialogues. En fait, j'avais essayé de rajouter des dialogues, puis je montrais ça à mon entourage, puis ça allait pas. Je veux dire, ça marchait plus ou moins bien. Oui, ben en fait, comme lecteur, j'aurais tendance à vous dire que c'est effectivement impossible de s'imaginer le récit avec des mots. On dirait qu'il y aurait quelque chose de trop. Ouais, peut-être, ouais, effectivement. Ouais, pour moi, c'était juste... Il y a rien qui me tape le plus sénant quand je lis une bande dessinée puis que les personnages disent exactement ce que le lecteur est en train de voir. Donc ça a été pour moi une bonne manière de sortir de là ou bien d'éviter ce piège-là, si on veut, parce que je veux dire, ça a l'air assez évident, mais c'est en tout cas pour moi, c'est très facile de tomber là-dedans. Oui, puis en parallèle aussi, quand on se lance dans une BD muette, reste qu'il y a toujours ce défi de garder l'attention du lecteur, de s'assurer que le lecteur suive aussi l'action. En plus que là, il y a un contexte réflectif aussi à l'intérieur de ça, donc c'est quand même une ligne mince. Vous l'êtes pas donné facile avec le premier album, là. Non, ben en fait, c'est effectivement un autre des questionnements qui revenait souvent, c'est OK, ben comment est-ce que je garde l'attention du lecteur, parce que tu sais, des fois il allait avoir des scènes que j'allais prendre du temps pour expliquer visuellement une certaine situation, puis je me disais tout le temps, OK, non, je peux rapper ça un petit peu plus vite, c'est parce que je voulais garder justement l'attention du lecteur, parce que y a rien de pire qu'une scène muette qui prend énormément de temps. Et donc, fallait toujours que ça reste rythmé, fallait que ça soit snappy, dans le fond. Et mais au final, pour moi, évidemment, ça donnait beaucoup de défis, mais moi, je me suis rendu compte que j'avais tellement plus de plaisir à faire une bande dessinée sans dialogue, je me rends compte. C'était vraiment le fun à faire. Je me suis rendu compte que j'avais plus de facilité, si on veut, à faire ça juste visuellement. Je sais pas, je pense que ça parlait un petit peu plus pour moi, là. Et en même temps, justement, vous parliez de variété, mais ne serait-ce que je prends l'exemple de l'organisation des planches et des cases. Il y a aussi énormément de variétés là-dedans. Donc, dans les temps, des moments où on sent que la lecture se veut plus lente, peut-être un peu avec des cases un peu plus allongées. Après ça, oups, on passe à des sections plus rapides où là, les cases sont plus réduites. À un moment donné, même dans une séquence de kidnapping, justement, vous mettez carrément un silence ou une case noire où il n'y a absolument rien, qui impose un peu un moment de aveugle, peut-être, pour le lecteur, un peu immersif aussi. Donc, on joue beaucoup avec cette dynamique-là, et c'est à travers ça que vous nous accompagnez, que vous nous donnez le rythme à travers lequel on parcourt cet album-là. Oui, ben pour moi, c'était vraiment important que ça ait un certain rythme, parce que, comme je disais tout à l'heure, je dirais que le rythme est assez rapide. J'essaie aussi de faire ça, que le découpage soit assez humoristique aussi, que ça laisse place à des blagues et tout, puis quand on s'en va dans un moment plus sérieux, entre guillemets, que là, effectivement, je vais changer de ton. Donc là, comment est-ce que tu changes de ton quand tu n'as pas de dialogue? Ben, tu le montres par des cases, différentes manières de montrer une mise en page, une planche. Il y avait une scène que j'ai vraiment eu du fun à jouer, c'est quand l'auteur est en train de jouer de l'orgue parce qu'il n'y a pas d'idée pour sa prochaine histoire. Il y a un gros syndrome de la page blanche. Et il s'en va jouer de l'orgue de manière très dramatique. Et les planches et les cases, en fait, j'ai fait en sorte pour qu'ils se forment avec la musique, se forment avec l'auteur qui est en train de jouer. Puis c'était vraiment le fun pour moi. C'était vraiment de montrer un peu, tu sais, qu'est-ce que l'auteur était en train de ressentir en ce moment, là. Donc, ouais, ce côté-là du découpage est particulièrement le fun à faire aussi. Et quand on parlait de variété des séquences, c'est aussi un bon exemple, justement, où on a eu un moment très, très calme, si on peut dire, au départ. Après ça, oups, on arrive avec cette séquence-là qui est somme toute bruyante, malgré justement l'absence de mots. À un moment donné, un peu plus loin, quand l'auteur cherche à régler sa page blanche, ben là, c'est pratiquement une séquence des premières générations des Looney Tunes dans le temps où il était chargé du mot noir. Et là, où on voit votre auteur, justement, qui cherche par une série de manières à régler son problème de page blanche. Et après ça, oups, on tombe un peu dans un autre ambiance, donc c'est vous venez nous surprendre d'une certaine façon. Oui, ben en fait c'est quand j'étais en train de faire cette bande dessinée là, un côté que tu sais, un autre des côtés que j'aimais beaucoup, c'est que je savais vraiment pas où est-ce que cette histoire là allait finir. J'avais pas de fin, et donc j'essayais toujours d'alimenter ça avec justement des scènes qui sont toutes vraiment différente. Il fallait vraiment que chaque scène soit différente. Je voulais pas faire de répétition. Et c'était vraiment un jeu d'exploration, dans le fond. Et justement, tu sais, que de faire ça avec des scènes différentes faisait amener de nouvelles idées en plus de ça, là. Parce que ça, c'était un des côtés qui était vraiment fun, mais en même temps insécurisant, c'est que j'avais pas de fin tout le long du récit jusqu'à ce que la fin arrive. Jusqu'à ce que la fin s'impose d'elle-même, presque. Oui, c'est ça. En fait, j'allais discuter de ça avec mon éditeur, Luc Bossé, et un autre auteur, Alexandre Fontaine-Rousseau. Je travaillais là-dessus depuis un bon moment, puis tu sais, je t'allais parler à des amis et tout, parce que je savais vraiment pas comment finir cette histoire-là. Et j'ai écrit à Luc et Alexandre pour leur dire que j'ai besoin de votre aide. Là. Fait que la fin a été faite en collaboration avec Luc et Alexandre. Oui, puis en fait, d'une certaine manière, ça arrive finalement, c'est comme vous dites, il y a eu un blocage peut-être de votre côté, mais pour nous, ça arrive de manière très organique, si on peut dire, où on réfère un peu, sans dévoiler de punch, là, mais on réfère un peu à l'idée de départ, où on y va un peu avec l'idée, la façon que je percevais, l'idée de pas s'encarcaner dans une idée préconçue qu'on pourrait avoir de nous-mêmes, de se retrouver dans le plaisir de créer, ou dans le plaisir de retrouver la nécessité de créer aussi. Donc c'est un peu dans la suite des réflexions amorcées, finalement. Ah ben, yay! Je suis content que c'est ça, vous avez retiré. Mais ouais, en tout cas, c'était important pour moi d'avoir ce feeling-là, justement, parce que tu sais, moi-même, je voulais... quelque chose que je me dis, c'est faut que j'aille du fun à faire cette histoire-là. Il faut vraiment que je me fasse plaisir. Puis il faut aussi que ça me prenne moi-même par surprise. C'est un côté pour moi de garder le récit un peu vivant, si on veut. Oui, puis en fait, là, on en parle, il y a peut-être des gens qui disent, oh, mon Dieu, ça a l'air d'un récit assez dense, assez philosophique, mais c'est chargé d'humour noir aussi, vraiment, à l'intérieur de tout ça. Là. En fait j'essaie de penser que c'est un récit assez, j'allais dire léger, c'est pas ça le mot, J'ai goût de dire simple. Ça a l'air un peu méchant de dire ça de même, là, mais mais tu sais, je veux vraiment amener cette idée de juste simplicité. Que tu sais, vraiment n'importe qui pourrait lire cette histoire-là. Que tu sais, c'est pas. C'est, je pense qu'il y a des bouts philosophiques, mais je veux dire, c'était certainement pas le but. Le but, c'était vraiment de partir avec une idée. Partir avec cette idée-là d'un auteur qui a le syndrome de la page blanche puis qui se fait appeler par la mort, qui est sa plus grande admiratrice. T'sais, pour moi, en fait, le truc, c'est que je trouvais ça vraiment le fun puis je trouvais ça vraiment intéressant comme idée. Faire, OK, où est-ce que je pourrais aller avec cette idée-là? Puis, ouais, c'est puis, ça. Fait. Puis d'une manière, en fait, justement, il y a un équilibre qui, bon, ça reste l'auteur qui demeure le personnage central, mais il y a la mort aussi qui vit son évolution de son côté, qui se construit dans l'interaction avec l'auteur aussi. Donc, il y a un peu deux récits en parallèle, finalement, qui évoluent. Ouais, ben en fait, je dois dire, l'une de mes lectrices et, je dirais, ma première éditrice, c'était ma mère. Je montre toujours mon stock à ma mère, puis on parlait souvent de ces deux protagonistes-là. Le lapin et la mort. Ces personnages-là, d'ailleurs, ont évolué grâce à ma mère. C'est avec eux autres que je les ai développés. Et quand j'étais au début, fin de mon secondaire, quand je les ai conçus. Et ces deux personnages-là ont toujours été très présents parce que, tu sais, je me demandais, OK, ben, t'sais, le lapin, c'est le héros et tout. Puis elle me disait tout le temps, comme, ben, la mort aussi, c'est le héros. Ils sont deux faces d'une même pièce, dans le fond. Puis ça, au départ, j'avais vraiment pas allumé là-dessus. Puis quand elle m'a dit ça, je suis dit, oh, OK, ça amène quelque chose de vraiment intéressant. Donc, il n'y a pas vraiment... la mort a des actions antagonistes, si on veut, mais ça la rend pas l'antagoniste du récit. Ça, je dirais que c'est la deuxième protagoniste. Le détragoniste, je pense que c'est ça le terme. Oui, puis dans le fond, donc la dynamique s'installe à travers ça, et chacun, justement, c'est... En fait, l'antagonisme est plus à l'intérieur de ces personnages-là, puis de la façon dont ils expriment peut-être un peu l'insatisfaction qu'ils ressentent dans la situation dans laquelle ils se trouvent au début de l'album, finalement. Ah oui, définitivement. Je pense que, tu sais, les antagonistes sont à l'intérieur des personnages, comme tu dis. C'est vraiment leur propre démon, là, parce que vraiment, c'est... Si je prends l'auteur, ben je veux dire, c'est principalement lui là, qui se rabaisse tout le temps. Là. Il est victime de ses propres névroses. Et est-ce que ça a pris du temps? Parce que bon, on dit depuis tantôt que ça a été quand même assez instinctif, mais pour trouver quand même le bon ton ou la bonne nature des personnages. Donc, est-ce que le fait justement de partir avec un univers visuel, avec des personnages que vous aviez déjà explorés avant l'album, a vraiment servi à donner un air d'aller plus efficace, plus efficient peut-être dans la création de l'album à proprement parler? Oh, définitivement pour moi, parce que quand j'ai créé ces personnages-là, je veux dire, tu sais, j'ai tellement amené des éléments, tu sais, au fil des années, j'ai développé des blagues, j'ai développé chaque personnage, qu'est-ce qu'il fait chaque jour, on va dire, tu sais, qu'est-ce qu'il fait dans son quotidien. Et ouais, ça m'a énormément aidé. Il y a beaucoup d'éléments là-dedans, dans cette bande dessinée-là. Que c'est des trucs que j'ai décidé et que j'ai dessiné quand c'est durant la première année que j'ai fait ces personnages-là. Il y avait un moment où est-ce que le personnage de l'auteur est en grosse déprime, ça en va pas, il revient de chez sa psy, puis il se met une machine sur la tête qui était juste écrit Relax Machine. Mais ça, c'est comme dans les premières jokes que j'ai mis. Que j'ai inventé, puis là j'ai décidé de je vais reprendre ça. Donc ouais, ça m'a énormément aidé de développer cet univers là puis c'est sûr que j'ai pris vraiment mon temps là, mais d'avoir pris le temps de développer ça m'a définitivement aidé à construire cet univers là. Et le public, évidemment, qui est invité à le découvrir, cet univers, dans l'album 7. Et j'encourage les gens. Fait, j'espère qu'on leur a donné le goût, au fil de la discussion, justement, d'y jeter un coup d'œil. Je dirais que ça en vaut largement la peine. Tom, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci à toi. Et à une prochaine. À une prochaine. Alors voilà, donc, je rappelle Tom, qui est auteur de cette bande dessinée qui s'appelle 7. C'est du côté des éditions Pow Pow. Et nous, on retourne en musique une dernière fois ici à La Vie en BD. Thank you. Une heure en ligne droite de la vie en BD, on la partage avec l'un de nos libraires en résidence, Édouard Tremblay de la librairie Pantoute. Bonjour. Bonjour Raymond, bonjour à tes auditeurs. Édouard, trois suggestions cette semaine. Je te lance immédiatement ton premier titre, Wild Blue Yonder. Wild Blue Yonder, oui, une belle découverte. J'ai souvent eu l'occasion, en fait, de vous parler de comment j'aimais bien la ligne éditoriale de la maison Glénat Comics, une jeune maison qui a vraiment cartonné très, très fort. Eh bien, une fois encore, il récidive et nous amène une histoire pleine d'action, palpitante à souhait, extrêmement bien dessinée. Donc, Wild Blue Wonder, on est dans un monde, en fait, post-apocalyptique, où les ressources de la Terre ont été épuisées pratiquement complètement, où le monde est devenu tellement pollué, en fait, que les gens doivent vivre dans des espèces de plateformes volantes, dans les airs. Mais, bien sûr, tout ça doit marcher avec un carburant qui commence de plus en plus à disparaître. Et c'est là que va embarquer la lutte pour la survie. On va se mettre en fer pour suivre l'espèce de vaisseau principal de l'histoire qui s'appelle l'Aurore, le seul des vaisseaux qui, lui, est capable de marcher à l'énergie solaire et donc qui donne, bien sûr, un avantage à la survie de ses habitants. Et donc, c'est un récit un peu un côté science-fiction réaliste ou... L'assise, oui, reste quand même très très réaliste dans la mesure où on est vraiment... on n'est pas dans l'espace, on n'est pas dans un futur très lointain. C'est vraiment des gens, des survivants qui, voyant arriver le désastre, ont réussi à récupérer quelques vieux avions, quelques jetpacks, et qui survivent autant qu'ils le peuvent avec tout ce que ça comporte, bien sûr, d'incertitude, justement, de cette quête constante du carburant, des vivres qui vont constamment à la baisse. Donc, il y a quand même un ancrage assez réel de ce côté-là. Là, oui, puis qui fait penser un peu, en fait, quand on t'entend parler du récit comme ça, je veux dire, à Mad Max, puis à ce type de récit-là... aussi, là, d'une certaine manière. On est, oui, dans une dynamique qui va vraiment rappeler ce genre de d'ambiance-là où la survie, évidemment, comme je disais, est omniprésente, où tout notre environnement est hostile. Et là, en plus, ben, comme on vit tout ça suspendu dans les airs, donc, bien sûr, on travaille sans filet, hein, donc il n'y a pas de deuxième chance pour ceux qui ratent leur manœuvre, comme on dit. Oui, puis en même temps, c'est toujours fascinant de voir un peu comment l'auteur en vient à inventer un monde, à inventer des dynamiques, puis à avoir, entre guillemets, une science un peu qui vient lier tout ça pour nous donner des assises, pour qu'on croie au récit, finalement. Oui, tout à fait. Et c'est, je pense, apporté au mérite, en fait, des quatre auteurs. Justement, la justesse du récit, l'assise sur laquelle ils reposent, et aussi les personnages qu'ils ont développés, qui sont très humains, très crédibles. C'est des gens gris à souhait, qui ont leurs qualités, leurs défauts, et auxquels, justement, on va s'attacher aussi bien ceux qu'on peut considérer les bons que ceux qui considèrent les méchants. Donc, dans l'ensemble, vraiment une très, très belle réussite, un beau travail de ce côté-là. Donc, à découvrir... Oui, tout à fait. Alors, ça, c'est Wild Blue Yonder, et on tombe avec un deuxième titre, Weird Detective. Oui, Weird Detective, en fait, le genre de petite série, bon, ça arrive évidemment des fois, malgré l'immensité des choses qu'on a à lire, on est dans des périodes un peu plus creuses, et ben, c'est dans une de ces périodes creuses-là qu'un peu au hasard, je suis tombé là-dessus, et étant moi-même un fan fini de Lovecraft, de la première heure, j'ai pas pu ne pas tomber sous le charme, parce que c'est exactement ce qu'on va aller mettre en scène ici. Donc, on est dans une ambiance très, très pulp, très proche des enquêtes de détective à la Sherlock Holmes, tout ça va baigner dans le mythe, en fait, des grands anciens de Lovecraft. On va suivre un inspecteur qui, lui-même, assez rapidement, on apprend qu'il est possédé par l'esprit d'une de ces entités qu'on appelle une chose très ancienne. Chose très ancienne qui, supposément, peuplait la Terre il y a de cela des millénaires et qui vont, en fait, poursuivre ici une autre entité, un monstre qu'on appelle un Shoggoth et qui se dissimule comme ça à travers les gens. Donc, on est vraiment là en plein cœur de la mythologie lovecraftienne. Et en même temps, ce qui est particulier avec Lovecraft, j'ai l'impression qu'il fait peut-être un peu la difficulté, c'est qu'il y en a tellement d'adaptations. Donc, qu'est-ce que cette proposition-là apporte par rapport à ce qu'on connaît déjà peut-être d'adaptations, que ce soit cinéma, bande dessinée et autres médiums, de l'univers et de l'esprit de Frastien? D'emblée, je voudrais déjà le thème de base, j'ai trouvé, parce que bon, évidemment, quand on parle de Lovecraft, 80% du temps, surtout pour ceux qui sont un peu moins versés là-dedans. Bien, évidemment, on en revient toujours à Cthulhu. C'est toujours le mythe de Cthulhu. C'est toujours des histoires qui vont être beaucoup liées à ça. Donc, ici, déjà, d'amener les choses très anciennes, qui sont des entités qu'on voit très, très peu, donc on en parle un peu dans les montagnes hallucinées, d'amener les Shoggoths comme ça, et d'explorer aussi, ce qui est fort intéressant, c'est que comme, évidemment, notre personnage central ici est une de ces entités-là, eh bien, on découvre les sens, par exemple, de ces créatures-là qui, chose très ancienne, se moquent des humains qui n'ont, à leur avis, que 5 sens, qui est très limité. Eux en ont, juste pour te donner une idée, 17. Mmh. Et donc, juste comme ça, ben, on va aller s'amuser à étoffer, je te dirais, un peu des choses que, évidemment, Lovecraft lui-même avait présentées, mais qu'il avait, somme toute, laissé en suspens, là, dans d'autres œuvres. Donc, avec un visuel bien maîtrisé. Tout à fait également, là, oui, là-dessus, tout y est. Vraiment, pour un amateur de ce genre de récit-là, ou même pour quelqu'un qui aime juste les bonnes histoires de pulp, sans même être très familier avec Lovecraft, je pense qu'il y a quand même quelque chose de plaisir de lecture, de plaisir de rebondissement qu'on peut aller puiser là, dans cette série-là, tout à fait. Oui, puis surtout, en fait, on peut avoir envie, surtout en cette période d'Halloween, d'aller chercher des portes d'entrée vers l'univers de Lovecraft aussi. Ben exactement, et c'en est, une qui se prête très, très bien à l'exercice. Et troisième titre, Édouard Tremblay, après donc Weird Detective, on passe à Chevalier Braillard. Chevalier Braillard, oui, un autre de notre ami Zidrou, hein, qu'on aime beaucoup. Zidrou qui nous a habitués, bien sûr, à toujours de très, très bons titres et qui avait fait paraître l'an passé, justement, en équipe avec Porcel, un magnifique, magnifique, magnifique récit qui s'appelait Bouffon, une histoire médiévale fabuleuse, pleine de belles sensibilités. Eh bien, cette équipe-là nous revient encore une fois avec un contexte médiéval, cette fois-là un petit peu plus historique, disons, que fabuleux, mais qui va vraiment tabler sur beaucoup d'humour, beaucoup de légèreté, un côté très paillard. Ce fameux chevalier Braillard, en fait, qui est un chevalier français, comme il y en a d'autres, qui revient des croisades après y avoir cassé de l'infidèle. Braillard, qui est un buveur, un impénitent, quelqu'un qui aime la vie, qui est un bon chrétien dans la mesure de ce qu'il juge être un bon chrétien, bien sûr. Et donc, ce personnage-là, extrêmement éclaté et très attachant, va, lors de son retour en France, en fait, tomber sur une jeune musulmane qui réussit à lui faire comprendre, en fait, qu'elle serait la fille d'un sultan, d'un calife, en fait, du Maroc. Et donc, s'il acceptait une fois encore de repartir pour le Moyen-Orient, eh bien, il pourrait bénéficier d'une récompense qui serait payée, bien sûr, par son père qui adore sa fille et qui souhaiterait l'avoir revenir. Et un amorce comme ça entre les mains de Zidrou, ça donne généralement des petits bijoux. Ça donne, une fois encore, un petit bijou. Comme je dis, l'humour est très bien dosé, omniprésent. Et encore une fois, malgré justement ce ton-là qui est très, comme je disais, très léger, très gaillard, eh bien, on va encore arriver à la toute fin. Et pour une raison, encore, on se laisse porter par Zidrou. Et encore une fois, on finit à la toute fin. On va voir le cœur à l'envers. On va voir les yeux pleins d'eau. On va s'être attaché à ces personnages-là. Et on va être encore une fois là complètement emporté par cette espèce de poésie qui nous amène, mais comme ça, très progressivement, juste au fil de l'histoire et qui nous fait éclater, encore une fois, à la toute fin avec une maîtrise absolument incroyable. Et au niveau visuel, comment ça s'exprime, tout ça? Tout ça étant de très, très beaux dessins, mais beaucoup de couleurs très vives, très chaudes. On est sous le soleil, on est sous le... Et donc, ça donne, ça rajoute, bien sûr, à ce caractère, comme je disais, très léger, et ce qui va rajouter d'autant plus de poids au scène finale, à comment ils vont ramener ça, parce qu'on est vraiment dans cet univers ensoleillé, mais qui nous amène toute cette gamme d'émotions magnifiques. Là. Non, c'est encore une fois une très, très, très grande réussite. Oui, en fait, un peu comme si on nous prépare pas entièrement à la fin, puis à un moment donné, on nous enlève le tapis de sous le pied, on s'est approprié les personnages et le whoops, on nous amène ailleurs, si on peut dire. On profite de tout ce qu'on a établi pour nous amener un peu plus loin. Exactement, t'as tout à fait compris. Hein, on nous présente bien, justement, c'est ça, ces personnages-là, tout ce qu'ils incarnent, tout ce qu'ils sont, encore une fois, dans un caractère très, très humain, très gris. Et tout ça, oui, pour nous éblouir là, à la toute fin, avec encore un de ces tours de force dont Zidrou a si bien le secret. Alors ça, c'est Chevalier Braillard. Édouard Tremblay, on se dit à très bientôt. Oui, tout à fait. Un grand plaisir, mémé. À la prochaine. Au revoir. Voilà donc Édouard Tremblay, l'un de nos libraires en résidence ici à La Vie en BD. Et nous, c'est ainsi qu'on termine l'édition de cette semaine. La semaine prochaine, Jean-Louis Tripp sera avec nous pour jaser d'extase. Léon Leclerc va nous présenter The Kelvin Mag et bien plus. Alors, c'est un rendez-vous. C'était Raymond Poirier au micro. Passez une excellente soirée, une excellente semaine à La Vie en BD. Et, sur CKRL 89.1.